Merci d'avoir choisi la radio Isanganiro. Bienvenue chez les auditeurs et auditrices. C'est dans ce journal en français dont voici les titres. Le président de la République met en garde les femmes et concubines, communément appelées deuxième bureau, de même aux hommes qui épousent plusieurs femmes. Il est conseillé de mettre fin à son comportement. Les propriétaires des bâtiments construits au-dessus du réseau électrique et de la régie de la production et de distribution d'eau et d'électricité, régie des eaux, sont appelés à les démolir sans poser d'autres conditions. Mérido Bujumbura et les agriculteurs de la commune de Muruta se réjouissent d'avoir des engrais chimiques, mais demandent que la distribution se fasse à temps. Voilà pour les titres. Jean-Marie Mayonga, la présentation. Kabin Disson, Anselme Irambona. Bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le président de la République du Burundi met en garde les femmes et concubines, communément appelées deuxième bureau, en disant qu'elles seront retournées chez elles par la force afin de rétablir dans leurs droits les femmes légales. Aux hommes qui épousent plusieurs femmes, il déconseille de se mettre fin à son comportement du moment que Dieu a ordonné qu'un homme et une seule femme, et une femme et un seul homme. Le chef de l'État a tenu ses propos ce vendredi à Gitega dans les festivités de la journée internationale dédiée à la femme. Écoutez-le, il est traduit en français par Gérard Nibigir. Vous les hommes qui avez des enfants en dehors du foyer conjugal, avez-vous échoué chez vous? Où c'est la richesse? La richesse vous pousse à avoir plusieurs femmes. Dieu a dit qu'un homme a une seule femme et une femme un seul homme. L'homme doit alors aimer son épouse car c'est sa fleur. Même Adam a explosé de joie et a déclamé des poèmes à la vue de son épouse. Dites-moi donc comment l'os de tes os devient deux os. C'est impossible qu'il en soit deux. L'homme manque un seul os et non deux. Qu'elle vient alors faire la deuxième femme? Cette deuxième femme est comme un parasite et le parasite doit être détruit. C'est ainsi que toutes les concubines sont priées de retourner chez elles avant que nous les fassions rentrer chez elles par la force. La femme légale doit être rétablie dans ses droits. Je salue le courage de certains gouverneurs qui ont déjà appliqué cette mesure. Oui, nous les ferons rentrer chez elles et je lance un appel à tous les gouverneurs. Toutes ces femmes et concubines seront chassés par la force. Il n'y a pas d'autre choix. Et ainsi, on aura prévenu la polygamie. En ce moment dédié à la célébration des droits de la femme, mais dans notre édition, on va à la rencontre d'une femme journaliste sportive. Elle a joué au football, coach et arbitre. Les débuts dans sa carrière de journaliste sportive n'ont pas été faciles. C'est un lot découragé. Bientôt 37 ans, elle est l'une des trois journalistes bondés qui vont faire la couverture médiatique des Jeux Olympiques de Paris de juillet cette année. Son portrait avec Mireille Kanyang. Elle s'appelle Germaine Nzeimana, 37 ans. Elle est mère d'un enfant né en zone urbaine de Kamenge. Elle a aimé et pratiqué le football dès son jeune âge, dit-elle. C'est vrai, moi j'ai joué au football en première division dans des équipes féminines. J'ai aussi joué au basket. Je suis passée par les copines B. Je n'ai pas fait long feu. J'ai par la suite intégré l'équipe Ikirezi FC de Ngagara. Elle est assistée à des matchs le soir. Étant la seule fille, chez elle, les parents ne l'entendaient pas de cette oreille. Les défis ne pouvaient pas manquer. Mon papa me disait en tant que fille, pourquoi te balader la nuit pour assister à des matchs? Mais comme j'avais un petit frère qui jouait aussi, il m'a par après accompagné. Par exemple, s'il y a un match Real et Barcelone, on allait ensemble. Le football étant devenu une passion, elle a par la suite bravé d'autres échelons. Germaine a été coach, voire arbitre, après avoir fait ses études en gestion des services de santé à l'Université Sagesse d'Afrique. Elle a par la suite été embauchée en tant que journaliste sportive. Les débuts n'ont pas été tendres pour elle. Sans vous mentir, les débuts ont été difficiles. Je me suis retrouvée dans un monde des hommes. Ils ne m'ont pas accueilli et croyaient que je n'allais pas y arriver. Ils demandaient où est-ce que j'ai appris à faire ce journalisme sportif. Ils m'ont découragé lorsqu'on m'accordait quelques minutes de commentaires sur radio. Je recevais plusieurs critiques dans les groupes WhatsApp. Malgré les barrières, elle n'a pas abandonné. Elle a fondé son foyer et continue à marier son devoir de femme, de mère et le travail. Ce n'est pas facile, mais quand on fait ce qu'on aime, on y arrive. Au foyer, on fait ce qu'il faut. Et au travail aussi, on fait le nécessaire. Germaine Nzeimana est cette femme journaliste sportive qui fera partie de l'équipe des trois journalistes burundais qui vont couvrir les Jeux Olympiques de Paris, qui débuteront le 26 juillet de cette année, et elle en est fière. C'est vraiment une chance pour moi. J'ai été très heureuse quand l'on m'a annoncé que j'irai faire cette couverture médiatique. Des fois, on se décourage et on croit que ce n'est pas remarquable ce qu'on fait. Que je sois une femme sur les deux autres hommes, ce n'est pas un problème, j'apprécie. Ce n'est pas parce que je suis très intelligente, non. Il y a mes aînés que je respecte dans ce métier. Puisque j'ai été choisie, ce n'est pas moi qui ferai honte au pays. Germaine appelle d'autres filles et femmes à l'estime de soi et de faire correctement leur travail. Mireille Kanyang, page de sécurité, 6 personnes dont 2 militaires sont mortes le matin de ce samedi suite à l'accident de roulage qui s'est produit au niveau de la colline Kaburanwa sur la route Bujumbura-Cibitoke. Selon les informations recueillies sur place, un véhicule militaire est entré en collision avec un autre véhicule. Les autorités administratives de cette localité rapportent que beaucoup d'accidents sont enregistrés à cet endroit. Ils plaident pour que des dodanes y soient construits. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Radio Isanganiro Journal continue. Les propriétaires des bâtiments construits au-dessus du réseau électrique de l'énergie et de la production de distribution d'eau et d'électricité Régie des eaux sont appelés à les démolir sans poser d'autres conditions à mairie de Bujumbura. Dans une interview accordée à la radio Isanganiro mercredi, le directeur général a expliqué que la Régie des eaux compte réhabiliter le réseau électrique déjà vétuste. Jean-Albert Manigomba a en outre indiqué que les bâtiments construits en dessous du réseau électrique sont aussi concernés. Écoutez, le directeur général de la Régie des eaux, traduit en français par Jean Dodier Irakoze. Nous avons un projet de remplacement de tout le réseau électrique. Le réseau souterrain demeurera, mais il devra être à la hauteur du courant électrique nécessaire à la mairie de Bujumbura. S'agissant des propriétaires des bâtiments érigés au-dessus de notre réseau électrique, plus particulièrement dans le quartier d'Ongagara et ailleurs en général, qu'ils sachent qu'ils doivent dégager dans les meilleurs délais, car nous avons un plan qui prouve où se situe notre réseau. Nous serons tenus à démolir les bâtiments impliqués sans d'autres conditions. En outre, d'autres personnes encourent des dangers. Je voudrais appeler la population visée à se préparer en conséquence, sinon leurs bâtiments seront démolis. Pour les personnes qui seraient touchées par la réhabilitation de ce réseau, alors qu'elles n'avaient pas construit dans le périmètre de notre réseau, et pourront bénéficier des indemnisations. Sinon, les autres sont tenus à se préparer dans les meilleurs délais, car le projet compte commencer. Vaut mieux qu'ils le fassent eux-mêmes. Par judication, certains parmi les directeurs d'école de Rumonge se lamentent que le salut du drapeau national est souvent perturbé par des passants. Ceux qui le disent informent que le directeur d'école est même intimidé en cas de rétention d'un présumé auteur, comme cela est arrivé à Nyakuguma. N'étant pas satisfait de l'action de l'administration locale, il demande au gouverneur de Rumonge d'intervenir. Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumonge, appelle plutôt à une bonne collaboration entre chef collinaire et directeur d'école et à la justice de faire son travail, Jean-Pierre Misago. Certains parmi les habitants de Nyakuguma, puisant de l'eau à l'école fondamentale de la place, sont ceux-là accusés de non-respect du salut du drapeau national. Bonaventure Maniribuka, directeur de cette école, évoque un cas récent d'un jeune homme qui fut son écolier et qui est venu lors du salut du drapeau national y créer du désordre. Et lorsqu'on a voulu le ramener à la raison comme d'habitude dans ces circonstances, ce directeur dit qu'un enseignant, des écoliers, un parent et même un policier intervenu ont été tabassés. Le jeune homme a été ensuite maîtrisé et conduit au cachot. Cependant, ce directeur dit subir actuellement des menaces téléphoniques pour retirer son dossier. Lui et le directeur de l'école fondamentale Mugomere 1 de la ville de Rumonge, qui dit que son école a été victime d'un vol de bancs pupitres, des bancs pupitres repérés où ils étaient cachés, mais qui n'ont pas été récupérés malgré la sollicitation de l'intervention du chef collinaire, demande au gouverneur de Rumonge de s'y investir. Léonard Niosaba, gouverneur de Rumonge, parlant du non-respect du salut du drapeau national, appelle à l'administration locale et au directeur d'école d'organiser des réunions à cette fin. Quant aux affaires pendantes en justice, le gouverneur de Rumonge informe que chaque commune a un avocat pour s'en occuper. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Le népotisme dans les recrutements des fonctionnaires et les élections mal organisées sont quelquefois à l'origine de l'absence de la cohésion sociale, selon les représentants des partis politiques et des confessions religieuses dans la province de Bururi. Pour les administratifs et dans cette province, le recrutement se fait dans la transparence et les élections sont inclusives. Cela a été dit ce vendredi au cours d'un atelier d'analyse et réflexion sur les résultats du baromètre et de la cohésion sociale dans la province de Bururi, organisé par le Conseil interconfessionnel du Burundi, Zeno Nzamimana. Les résultats du baromètre de la cohésion sociale dans la province de Bururi, sortis le mois de décembre de l'année écoulée, sont satisfaisants, selon Edi Deman Lekiza, chargé de la cohésion sociale au Conseil interconfessionnel du Burundi, CICB en sigle, dans les provinces du sud du Burundi. Toutefois, des défis ne manquent pas. Au cours d'un atelier de présentation de ces résultats, organisé par le même conseil à Bururi depuis ce jeudi jusqu'à ce vendredi, pendant les travaux en groupe, les représentants des partis politiques et des confessions religieuses ont souligné que l'on n'est pas dans le recrutement des fonctionnaires, les élections qui sont quelquefois mal organisées parce que non inclusives, comme cela a été constaté dans la mise en place de la nouvelle commission électorale indépendante CENI, selon certaines des formations politiques, sont quelquefois à l'origine de l'absence de la cohésion sociale. Pour le groupe des autorités administratives à Bururi, les recrutements se font dans la transparence après même passation des tests de sélection et les élections sont également organisées dans la transparence et sont toujours inclusives. Raison pour laquelle cette cohésion sociale est une réalité dans la province de Bururi, sauf quelques défis qui méritent d'être corrigés. Edi Deman Lakiza, du conseil interconfessionnel du Burundi, a fait savoir que cet atelier a été organisé dans le but d'analyser ces résultats du baromètre de la cohésion sociale afin de voir ensemble les forces dans la cohésion sociale dans la province de Bururi pour les renforcer et relever les défis qui handicapent la cohésion sociale dans la même province afin de les corriger. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci à Zeno Nzambimana. Et page agriculture, certains agriculteurs de la commune de Muruta ont bénéficié ce jeudi de la part du complexe agricole de Rwegura des engrais chimiques pour fertiliser leur plantation agricole. Ces agriculteurs disent s'en réjouir mais demandent que ces engrais chimiques soient disponibles à temps depuis le début de la saison pluvieuse. Nahayu Richard, directeur général du complexe agricole de Rwegura, demande aux agriculteurs de la commune de Muruta d'utiliser ces engrais chimiques dans la fertilisation des plantations agricoles seulement. Patrick Sengyong. Il y avait 2 ans que les agriculteurs de la commune de Muruta n'étaient pas approvisionnés en défertilisant de leurs plantations agricoles. Ce jeudi, certains de ces agriculteurs en zone de Muruta ont bénéficié de ces fertilisants de la part du complexe agricole de Wigura. Odassi Hachimana, administrateur communal de Muruta, demande aux agriculteurs de la commune qu'il dirige d'utiliser ces engrais chimiques dans la fertilisation de leurs plantations agricoles. Même son de cloche avec Nahayo Richari, directeur général du complexe agricole de Wigura. Les agriculteurs à Muruta apprécient positivement qu'il et donner ses engrais chimiques, mais déplore qu'ils soient disponibles tardivement, expliqua qu'il devrait fertiliser les plantations agricoles les mois d'octobre et novembre. L'agriculteur Amurta demande également que le prix d'un kilogramme de feuilles vertes du thé soit revu à la hausse. Signalons que du fait que l'agriculteur Amurta dise que le prix d'un kilogramme de feuilles vertes est plus bas, certains de ces agriculteurs avaient déjà détruit les plantations agricoles au profit des autres cultures et vivrières comme la pomme de terre et le maïs. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi, on va pouvoir radier Sanganilo. Page Espoir à présent, investir dans les académies de football au Burundi peut contribuer dans le développement du football burundais et avoir de meilleurs joueurs pour l'équipe nationale. L'analyse de Fabrice Mugiraneza, président de l'Académie Impact, lors de l'anniversaire d'une année d'existence et de cette dernière, ce samedi. Fabrice a ajouté qu'il manque de moyens financiers et des infrastructures sont des défis qui hantent les activités de ces académies de football. Suivez-le. Aujourd'hui, on célèbre le premier anniversaire de l'Académie Impact. L'Académie Impact a été créée en 2023, exactement en mars. Donc aujourd'hui, ça fait exactement une année que nous existons, que nous sommes en train de travailler, que nous sommes en train de faire nos activités, d'encadrer les enfants, de former les enfants en football moderne. Je ne dirais pas exactement quel objectif est déjà atteint, sinon on pourrait fermer l'école. Si on travaille, on y travaille, ça fait un an qu'on a commencé, c'est-à-dire qu'on est tout au début, il y a encore du chemin à faire. Nous avons, comme c'est une école, c'est évolutif. Nous avons beaucoup d'activités à faire jusqu'à mener à bien cette mission de former des enfants jusqu'à ce qu'ils soient des professionnels. Le défi ne manque pas. Je dirais premièrement que le premier challenge, c'est le manque d'équipement. Le manque d'équipement, vous voyez, tout ça, il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de logistique. Il faut les bottines, les chaussures pour les enfants. Il faut les choisibles. Il faut aussi les maillots. Tout ça, c'est un équipement conséquent qui demande beaucoup de moyens. Alors que nous utilisons nos propres moyens pour le moment, nous n'avons pas de sponsors, ça c'est un challenge. Le deuxième problème que nous avons, c'est le manque d'infrastructures. Si on dit que c'est une académie, nous œuvrons dans une académie, c'est-à-dire que nous devons avoir des infrastructures, des écoles, des bâtiments, là où on peut loger les enfants, là où on peut nourrir les enfants, là où on peut enseigner les enfants à jouer au football moderne comme on le fait en Europe. Je dirais que c'est notre rêve, mais pour le moment c'est un challenge parce que nous n'avons pas d'infrastructures liées à cette activité. Je lancerai un appel vibrant à la Fédération de football du Burundi et à tout le monde d'investir beaucoup dans des académies parce que c'est les académies, le Burundi de demain. Si nous voulons voir des Drogba, nous voulons voir des Messi, nous voulons voir des Ronaldo, on doit commencer à bas âge. Je donnerai un exemple. Pour faire une fondation, pour faire une maison, construire une maison, on commence par une fondation. On ne commence pas par les fenêtres, on commence par la fondation. C'est-à-dire qu'il faut investir beaucoup dans des académies, il faut donner beaucoup de moyens aux académies pour que nous puissions mener à bien notre mission d'encadrer les enfants, de former ces enfants pour qu'ils puissent grandir et jouer au football moderne et au football professionnel. Auditeurs et auditrices de Radio Isanganiro, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anselme Mirambona pour la collaboration technique et la présentation. Vous étiez avec Jean-Marie Mayonga. Bonne suite de nos programmes. Mais juste après, c'est la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. Célébration du 8 mars, fêter ou plaider pour les droits de la femme, s'interroge le journal Iwachu, qui fait remarquer que des acteurs dénoncent la manière dont la journée est célébrée. Ils déplorent le fait que cette journée est plus folklorique au lieu d'être une occasion de revendication des droits. Son confrère constate que le chemin est encore long pour le respect des droits des femmes et l'égalité des sexes. Des droits les plus élémentaires des femmes sont bafoués, ignorés, gommés. Il y a des abus perpétrés, des violences rapportées qui ne trouvent pas d'écho chez les plus militantes des défenseurs acharnés des droits des femmes. Cet hebdomadaire souligne qu'une des grandes revendications reste la promulgation de la loi sur les successions, qui est dans les tiroirs depuis plus d'une décennie. La patience se moque du temps, dit-on, rappelle son confrère, et ces organisations ont longtemps attendu. Elles espèrent encore sa promulgation, note le journal Iwachu, et dont l'éditorialiste ne manque pas de s'interroger. Ce que femme veut, Dieu le veut. Nombreuses, mais sous-représentées au poste de responsabilité, constatent la voix de l'enseignant, parlant également des femmes. En effet, précise son confrère, même si les femmes représentent plus de 60% du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, l'effectif des responsables administratifs féminins reste très faible. Ce journal fait remarquer que le décret du 15 février 2023 compte seulement 8 femmes sur 36 hommes et femmes nominés par le président de la République. Un constat quand même louable à la tête des directions provinciales de l'éducation, Les femmes occupent 30%, se réjouit-il. Mais ne manque pas de signaler un bémol. Le chef de l'État avait promis qu'au niveau de chaque ministère, il va y avoir une commission genre pour promouvoir le droit de la femme. Et cette commission n'existe pas encore au sein du ministère ayant l'éducation dans ses attributions, regrette cet hebdomadaire de l'éducation. Revue de la presse. Le président de la République donne un délai de 100 jours pour que la ville de Bujumbura soit propre, rapporte l'agence burundaise de presse. Dans une rencontre jeudi 7 mars avec tous les responsables administratifs et les responsables de la sécurité en mairie de Bujumbura, le président de la République a dressé un tableau sombre sur la situation de l'hygiène et de l'assainissement en cette circonscription. Évariste Ndayishimiye a indiqué que les administratifs sont en partie responsables de cette précarité et a rappelé qu'ils sont les pères dans leurs circonscriptions respectives, écrit ce journal. Selon l'ABP, il a évoqué la responsabilité des sociétés de ramassage des ordures dans la ville de Bujumbura sur la prépondérance de l'insalubrité en mairie de Bujumbura. Raison pour laquelle, poursuit l'agence burundaise de presse, le président de la République a recommandé aux autorités de la mairie de revisiter les contrats signés avec elle, de les résilier et nouer de nouveaux contrats avec des sociétés qui en sont capables. Le démarrage de cette campagne des 100 jours pour rendre la ville de Bujumbura propre a été officiellement ouverte par le chef de l'État au marché de Buyenzi, dit Ruvumera, souligne l'ABP. Battu à mort pour n'avoir pas participé aux travaux communautaires, révèle Net Press. Un sexagénaire du nom d'Oscar Mbonihanghuye a été battu et torturé avant d'être jeté, pieds et mains ligotés, dans la rivière Mubarazi, dans la commune d'Ombouye, de la province de Muramvya. L'irréparable a été commis le 18 février par des personnes qui seraient des Imbonerakure du parti présidentiel, note son confrère, ajoutant que cette information est confirmée par l'administration locale, qui indique par ailleurs que 6 jeunes du parti de l'Aigle ont été arrêtés et transférés à la prison de Muramvya. Selon toujours son quotidien en ligne, l'administration locale aurait mobilisé la police et les populations pour retrouver le cadavre du vieil homme, sans succès. De son côté, écrit toujours Net Press, la famille du défunt demande que le corps d'Ombonihanghuye lui soit restitué pour qu'elle procède à son inhumation dans la dignité. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.